إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui inshallah on fait la suite de qu'est-ce qu'on a expliqué dans le cours 18. On a parlé de la question du dialogue et du rapprochement entre les différentes religions. Et puis donc on veut aujourd'hui expliquer le rôle des ikhwan dans la propagation de cette tendance, yani, de rapprochement et de dialogue entre les religions. On a expliqué un petit peu de qu'est-ce qui, on a donné quelques exemples de qu'est-ce qui s'est passé au Koweït à ce sujet-là. Puis aujourd'hui, inshallah, on va donner l'exemple de qu'est-ce qui s'est passé au Soudan avec Hassan al-Turabi, qui est un qui était un des chefs politiques au Soudan, qui a été un des propagateurs de cette idée. Donc le cheikh il dit faslun أما الإخوان المسلمون في السودان فقد قاموا بدور أكبر ليوفروا على دعاة التبشير ما كانوا يقومون به من جهد ومال ليخرجوا المسلمين من الإسلام وليدخلوهم في دين النصرانية فقام الإخوان المسلمون في السودان بقيادة الدكتور حسن بن عبد الله الترابي بما لم يستطع عليه المبشرون في عشرات السنين فعقد المؤتمرات لوحدة الدين بين المسلمين والنصارى من أجل التعايش السلمي بينهم وألغي الفوارق فأمر بسحب الدين من الهوية ليكون المسلم والنصراني سواء وأباح للنصراني أن يحاضروا في كليات البنات المسلمات وأمر بأن يبنى في كل مكان من أماكن التجمعات مسجد وكنيسة ومعبد ودعا أن يطبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد عنوانا على التسامح فإنا لله وإنا إليه راجعون وها أنا أنقل باختصار ما وصل إلي عن المؤتمرات التي عقدت في السودان بقصد الدعوة إلى توحيد الأديان ونشرت في وثائق والتي ترأسها دعاء ودعا إليها حسن بن عبد الله الترابي. Donc le cheikh il explique ici, il dit que les ikhwan au Soudan ont eu un grand rôle à jouer dans le fait de permettre aux missionnaires chrétiens et aux prêcheurs qui appellent à la christianisation le fait de transmettre et de propager leurs croyances et leurs religions. C'est connu que les chrétiens dépensaient beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent pour faire propager leurs croyances et leurs pratiques dans les pays musulmans. Mais avec cette nouvelle tendance de la part des ikhwan au Soudan, ils ont eu la tâche facile, la tâche plus facile, parce que Hassan al-Turabi leur a permis de faire ce qu'ils n'ont jamais été capables de faire depuis des dizaines d'années. Hein? Donc, ils ont réussi à faire rentrer la religion chrétienne dans ce pays musulman. Et donc, il y a eu l'établissement, et ils ont fait quelques conférences ou conventions ou séminaires entre les musulmans et les chrétiens pour amener une vie ou un vivre ensemble pacifiste entre les musulmans et les chrétiens. Et il y a eu l'élimination des distinctions entre les musulmans et les chrétiens, et il a ordonné que sur les cartes d'identité nationale, on enlève la mention de la religion. Donc, il voulait que les chrétiens et les musulmans soient égaux dans le pays, sur le plan de la citoyenneté. Et il a également fait en sorte que les chrétiens aient le droit de donner des cours aux filles musulmanes dans les facultés, dans les universités soudanaises. Ensuite, également, il a ordonné que dans chaque endroit de réunion, les endroits où les gens se réunissent, il y ait une église qui soit construite à côté d'une mosquée, et également qu'il y ait la construction de certains temples et des choses de ce genre. Il y en a tout ensemble, à côté de la mosquée en même temps. Et ensuite, en plus de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait également, c'est que ils ont invité ou appelé à ce que le Coran soit imprimé et publié avec la Bible sous un même couvercle. Donc ça fait partie aussi de leur projet, et tout ça au nom de la tolérance religieuse. Donc le cheikh il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ensuite, le cheikh explique et il dit que il va mentionner de façon résumée quelques-uns des constats qui ont été établis dans ces conférences-là, dans ces séminaires qui ont été établis au Soudan. Il va mentionner quelques-uns des articles qui ont été publiés dans les journaux à ce sujet-là, au sujet de qu'est-ce qui s'est passé au Soudan, pour faire comprendre en même temps qu'est-ce que c'est cet appel à l'unification des religions, et qu'est-ce que ça implique. Et en particulier les appels ou les invitations qui ont été lancées par Hassan ibn Abdullah al-Turabi à ce sujet-là. Donc, le cheikh il dit que le docteur Hassan al-Turabi, premièrement, pour savoir un petit peu qui il est, c'est que c'est un soufi, premièrement, et c'est un ikhwani aussi. Donc, il fait partie des gens qui suivent le manhaj des ikhwan, et il est comme plusieurs d'entre eux, comme le fondateur Hassan al-Banna et d'autres également parmi les Ikhwan. Il fait partie des soufis. Donc il ne faut pas s'étonner de l'entendre répéter et de l'entendre dire ses idées d'unification des croyances et des religions et tout ça. Il a été à la tête d'un parti islamiste au Soudan, et ils ont pris le pouvoir au Soudan dans les années 90, si je ne me trompe pas, donc ils ont réussi à propager ces idées-là. Hassan al-Turabi, c'est un homme qui a plusieurs croyances qui sont totalement en contradiction avec les fondements même de l'islam. Il a étudié à la Sorbonne en France, et par la suite il est retourné au Soudan. Il parle couramment le français, l'anglais et l'arabe, hein. Donc ça, c'est des choses qui fait que il a absorbé beaucoup d'idées des koufars également dans la compréhension qu'il a de l'islam. Donc il dit le cheikh que premièrement, أنه يرى أن الفكر الإسلامي العقدي يطرأ عليه التقادم وأنه يحتاج إلى تجديد. الفكر الإسلامي صفحة 44 بواسطة كتاب عقيدة حسن الترابي. Premièrement, Hassan al-Turabi, comme d'autres ikhwan également, considère que la pensée islamique et la croyance islamique doit évoluer, et qu'elle doit elle doit avoir des réformes. Il faut qu'elle soit réformée et changée. Donc ça, c'est une de ses idées. Deuxièmement, عقيدته أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم في الأخبار التي بها من أمور الدنيا ومن ذلك ما يتعلق بالطب. Donc il dit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas infaillible quand il informe ou quand il parle des choses de la dunya, et en particulier de ce qui a rapport avec la médecine. Et il mentionne, ça c'est mentionné dans le livre As-Sarim al-Maslul Firrad al-Turabi Shatim al-Rasul, à la page 8. Ça c'est un autre livre qui a été écrit pour réfuter Hassan al-Turabi. Et il mentionne également qu'il a dit des paroles insultantes contre certains des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple Adam alayhi salam et Jibril al-Khalil alayhi salatu wa salam. Ensuite, takdhibuhu li nuzuli Isa alayhi salam. Il dit que le prophète Isa alayhi salam ne va pas descendre à la fin des temps. Ça, c'est certaines de ses croyances. Donc, maintenant, pour en arriver aux différents articles de journaux qui ont été écrits au sujet des conférences et des conventions qu'il a fait au Soudan, voici quelques-uns de ces articles de journaux. الشيخ الزي الوثيقة الأولى وقد انعقد المؤتمر مرة أخرى بموجب الوثيقة رقم أول صفحة الصفحة في الصحيفة السودان الحديث بعدد رقم 1202 في 29 من الشهر الرابع السنة 1993. العناوين البارزة: الترابي يحاضر الوفود المشاركة في المؤتمر الأديان، وكان في المقال عول الترابي كثيرا من على علماء الدين المسيحي والإسلام ودعاهم إلى دور فاعل متعاظم من أجل إنقاذ البشرية وإرساء دعائم السلام وتوفير الطمأنينة للشعوب، مؤكدا أن العالم الحالي يتجه نحو التوحيد الديني بمختلف أشكاله، وهي رسالة ينبغي أداءها على الوجه الأكمل. وأوضح الدكتور الترابي أن هذا المؤتمر يمكن أن يلعب دورا فاعلا مؤثرا في توحيد الأفكار، ومن ثم التوحيد على أساس إنساني بين الديانات كافة من أجل إسعاد البشرية. أوكي. Donc on va traduire maintenant cette partie de les explications, qu'est-ce qui est mentionné dans cette première article. Premièrement, il y a eu une conférence qui a été faite au Soudan, et dans le journal As-Soudan al-Hadith, on retrouve dans le numéro 1202, daté du 29 avril 1993, on retrouve l'article suivant. Avec en grande ligne, At-Turabi, le docteur At-Turabi s'adresse aux délégations qui participent à la conférence des religions ou au séminaire des religions. Et parmi les choses qui ont été dites dans l'article qui est mentionné à ce sujet-là, c'est que At-Turabi a mis beaucoup de confiance en les savants ou en les hommes de, yani les ulama ad-din, les savants de la religion chrétiens et musulmans. Et il les a invités à jouer un rôle actif et de plus en plus grand pour sauver l'humanité et pour ancrer en l'humanité les valeurs de la paix et at-tawqir, at-tawfir at-tamanina, c'est-à-dire d'offrir la sécurité et la sérénité aux différents peuples de la terre. Et puis il a confirmé également que le monde actuel se dirige vers une unification religieuse qui se manifeste de différentes façons, sous différentes formes, et c'est un message donc qui doit être livré de la façon la plus parfaite. Et le docteur At-Turabi a également exprimé que la conférence qu'il fait doit jouer un rôle actif et influent dans l'unification de la pensée ou des pensées ou des idées et dans l'unification et il dit oui ah oui il dit cette unification doit être basée sur une base humaniste entre les religions, entre toutes les religions, et que le but de ça, c'est d'amener le bonheur à l'humanité tout entière. Donc ça, c'est ses paroles. Et le cheikh, il dit ensuite, le cheikh Ahmed al-Najmi, il commente cette citation-là, et il dit « قُلْتُ بَلْ مِنْ أَجْلِ إِشْقَاءَ الْبَشَرِيَّةِ وَإِضْلَالِهِمْ إِنَّ مَنْ يَرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ تَوْحِيدَ الْأَدْيَانِ بِجَامِعِ أَشْكَالِهَا هُوَ طَرِيقُ السَّعَادَةِ كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ وَالْمَالِ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلْ لأنه كذب الله في خبره حيث يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Le cheikh il dit que en réalité c'est pas pour amener le bonheur à l'humanité, mais c'est bien pour plutôt pour amener le malheur, hein, la misère à l'humanité, et pour les égarer, pour égarer l'humanité. Et il dit que celui parmi les musulmans qui pense que ou qui croient que l'unification des religions dans toutes ses formes, c'est la voie qui amène le bonheur, et les mécréants, les kafirs, sont saints et ses biens sont licites, et il doit être ordonné de se repentir. S'il refuse de se repentir, il doit être exécuté selon les règles de la charia islamique, parce qu'il a démenti Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole, dans le verset 85 de Sourate Al-Imran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Donc ça, c'est le verdict de la charia pour toute personne qui a apostasié et qui croit en des idées pareilles, que le bonheur vient d'autre que de l'islam. Donc ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple que le cheikh mentionne, c'est un autre article de journal qui parle de ce sujet-là encore une fois. Il dit « Al-Wathiqatu al-Thaniya, ismu al-Sahifa al-Sudan al-Hadith, al-Adad 1127, bi-tarikh al-Arbi'a 18 Sha'ban, sanat 1414, al-Muwafiq 10 février, سنة 1493. العناوين البارزة على شرف زيارة البابا الفاتيكان للسودان دعوة من أجل السلام والمحبة والعدل. قال يصل سماحة البابا يوحنا بولس الثاني للبلد للبلاد صباح اليوم في زيارة للسودان وهي الأولى من نوعها في تاريخ السوداني ويعتبر السودان الثاني دولة يعتبر السودان ثاني دولة إسلامية يزورها البابا في أفريقيا بعد المغرب ومن المؤمل أن يكون البابا هو الحكم الفصل والحاكم العدل بين المجتمع الدولي والسودان إلى أن قال ويتجه السودان الآن لعقد مؤتمر حوار الأديان في 26 من إبريل المقبل وهو حدث لم يشهده أي بلد من بلدان العالم ويؤكد الوعي الرفيع الذي تتمتع به القيادة السياسية في البلاد أي السودان. Donc ici le cheikh il mentionne dans ce deuxième article dans le journal As-Soudan Al-Hadith le numéro 1227, il est daté du 18, le mercredi le 18 de Sha'ban de 1413, qui correspond au 10 février 1993. Dans les grandes lignes, on retrouve l'honneur de la visite du pape Jean-Paul II au Soudan dans le but d'amener la paix, l'amour et la justice. Et il dit que sa sainteté, le pape Jean-Paul II, est arrivé dans le pays, au Soudan, aujourd'hui, pour visiter le Soudan, et c'est la première visite de ce genre dans l'histoire soudanaise, et c'est ça représente la deuxième visite d'un pays musulman que le pape visite en Afrique après le Maghreb, après le Maroc plutôt. Donc, Allah al-Musta'an, c'est grave. Hein? Qu'est-ce qu'il vient faire dans un pays musulman? Hein? Ça, c'est une bonne question. Yann. Et le cheikh, il dit ensuite, wa yu'tabaru al-Soudan al-thani dawla. Donc, c'est ça. Et il dit que, il dit, qu'est-ce qu'on espère? C'est que le pape soit un juge qui va trancher et qui va être un juge juste entre la société internationale, la communauté internationale et le Soudan. Jusqu'à ce qu'ils disent par la suite dans l'article, et le Soudan aujourd'hui va dans le mois suivant, dans le mois d'avril, le 26 avril qui vient, va faire une grande conférence ou un grand séminaire sur le dialogue entre les religions. Et c'est un événement qui n'a jamais été fait dans aucun autre pays dans le monde. Et ça indique, le cheikh dit ça, ça confirme la conscience très élevée que possèdent ou dont jouissent les dirigeants politiques du pays, c'est-à-dire le Soudan. Maintenant, le cheikh Ahmed al-Najmi, il fait son commentaire sur qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, hein, la visite du pape. Il dit... وأي وعي رفيع الذي تتمتع به قيادة السياسة القيادة السياسية في حرصها على المجز بين الأديان وتوحيدها لقد أضاع السودان أو بالأحرى لقد أضاعت قيادة السودان ممثلة في حسن الترابي وحزبه ومن سار سيرهم الإسلام فهم يبحثون عنه في كل ركام في كل ركام الأديان الباطلة فهل تراهم يجدونه أم لا. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train d'expliquer que en fait il commente qu'est-ce qui a été dit. Il dit quelle conscience élevée de quelle conscience élevée jouissent les responsables politiques alors qu'ils cherchent à mélanger les religions et à les unifier ensemble. De quelle conscience est-il question ici? Ensuite, le cheikh il dit, le Soudan a été perdu, hein, le Soudan a perdu, ou bien plutôt, les responsables politiques au Soudan qui sont représentés par Hassan al-Turabi et son parti, et ceux qui l'ont suivi, ont perdu l'islam, leur islam. Hein, ils ont égaré leur islam. Et on dirait qu'ils sont en train de le chercher dans le tas des différentes fausses religions. Et croyez-vous qu'ils vont la trouver dans ces religions-là? Alors que l'islam, on sait, le cheikh il dit, « Inna l'islam la yassihu illa mimman ya'taqadahu huwa al-din al-sahih » والمقبول عند الله عز وجل وما سواه باطل ومردود غير مقبول قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc le cheikh explique et il dit que on sait très bien que l'islam il n'est pas valable, que l'islam d'une personne n'est pas valable tant qu'il n'a pas cru que la seule religion qui est correct et bonne et correct, c'est l'islam. Il faut qu'il croie également que la seule religion qu'Allah va accepter, c'est l'islam. Et que toute autre religion en dehors de l'islam, elle est fausse, elle est rejetée et elle ne sera pas acceptée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve de ça, c'est le verset 85 dans Surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et quiconque recherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ensuite, le cheikh il dit, comme dans l'article numéro 3 qu'il mentionne, le nom du journal c'est Al-Inqad Al-Watani. Et il dit Al-Adad Al-Fouachamsin, Tariq Ethnein Rajab. تاريخ الثاني من يوم من اليوم الثاني من رجب سنة 1413 العنوان البارز وزير الإرشاد يفتتح الأوقاف الإسلامية بجوبة ويتبرع للكنيسة الأسقفية بمئة ألف جنيه. Ça c'est avec l'accent égyptien. Bon, le chef il dit quoi? Dans cette troisième article, ça c'est dans le journal qu'on appelle le Salut National. Dans son numéro 1050, c'est le deuxième jour du mois de Rajab. L'année 1413, on voit dans les grandes lignes, le ministre de l'orientation religieuse ouvre les awqaf à Djouba. Hein, il ouvre les awqaf islamiques à Djouba et il offre en charité 100 000 livres soudanaises pour construire une église épiscopale. Hein? Pour ouvrir une église épiscopale. Donc ça, c'est le comble. Hein. Et c'est qui le ministre de l'Irshad, de l'orientation en question, c'est qui? C'est Abdullah ibn Dinuq Nial. Bon. Et ça, c'est son nom. Et qui il est? هو القادة في تنظيم الجبهة الإسلامية القومية للإخوان المسلمين ومن المقربين لقائدهم دكتور الترابي حسن الترابي وقد تخرج من الجامعة القاهرة فرع الخرطوم وكان رئيسا للاتحاد فيها وفي ظل حكومة الجبهة الترابية تولى منصب وزير الإرشاد أي الشؤون الدينية والأوقاف. Donc Abdullah Dinuq c'était un des chefs du une des têtes dirigeantes dans le parti ou dans le front islamique, dans l'organisation du front islamique national soudanais, qui est bien entendu le groupe des Ikhwan al-Muslimin là-bas. Au Soudan, et il était un des proches du chef du groupe, du chef du parti, c'est-à-dire Hassan al-Turabi, et il est gradué de l'université du Caire, la branche de Khartoum, et il était le chef de l'union étudiante là-bas. Et lorsque il est rentré dans le gouvernement par la suite, il est rentré dans le front de Hassan al-Turabi et il a pris le poste ou le rôle de ministre de l'orientation, c'est-à-dire des affaires religieuses et de qu'est-ce qu'on appelle al-awqaf. Et qu'est-ce que c'est al-awqaf? Hein? Bien, al-awqaf, c'est dans l'islam, quelqu'un, par exemple, lorsqu'il meurt, il peut décider de léguer, par exemple, un bloc appartement, une maison, un arbre fruitier ou quelque chose comme ça qu'il possède, dans le but de financer, par exemple, l'entretien des mosquées. L'impression des Coran, disons financer les écoles musulmanes, disons financer n'importe quel projet comme donner de l'argent aux pauvres. Ça c'est-à-dire que quelqu'un peut léguer quelque chose, puis tous les profits qui sont tirés de cette chose-là vont aller au financement ou à l'aide des pauvres et aux causes des choses qui sont pour aider les musulmans. Hein? Donc, si je me trompe pas, c'est ça la signification des awqaf. Donc, ça, donc, en d'autres mots, c'est pour le bien des musulmans et à être utilisé pour l'islam et pour les musulmans. Donc lui, ce ministre des affaires religieuses là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris dans cet argent là, hein, il a ouvert une branche des Awqaf à la ville de Djouba, qui est dans le sud du Soudan. Et au sud du Soudan, il y a beaucoup de chrétiens. Donc il a pris 1000 livres soudanaises pour dépenser ça pour l'église épiscopale. C'est une des branches du christianisme. Donc c'est grave quand même de dépenser l'argent des Awqaf, des musulmans, pour acheter et pour faire des églises dans les pays musulmans. Ça c'est complètement ridicule et complètement contraire à l'islam, yani. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi, il commente à ce sujet-là. Il dit na'udhu billahi min al-khuzlan. Hein? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala son aide, sa protection contre la trahison et la lâcheté de ces gens-là, comment ils agissent d'une façon qui est yani, vraiment grave. Il dit que l'argent des Awqaf, c'est l'argent des musulmans, que les musulmans ont donné fi sabilillah, pour le bien, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le ministre des Awqaf et de l'orientation soudanaise l'utilise, cet argent-là, lui, pour construire des églises, hein, pour la cause des épiscopales. Il dit ensuite أموال أوقاف المسلمين يتبرع بها أو يتبرع بها وزير الأوقاف والإرشاد السوداني لبناء الكنيسة الأسقفية. أين الإسلام؟ هو الإسلام. C'est grave. Et après il dit وما هي العقيدة التي تبيح ذلك مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشترط على الذميين أنهم لا يجددون ما رمى من كنائسهم. Et il dit, quelle aqida nous permet de faire ce genre de choses alors que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu mettait comme condition pour les gens qui font partie des Zimmiyin, il a mis comme condition pour eux qu'on ne doit pas renouveler les constructions des églises qui sont usées ou détruites. Ça c'était une des conditions que Omar ibn al-Khattab avait pris envers les chrétiens lorsqu'il a pris le pouvoir là-bas. Donc c'est pour dire que vraiment ils sont en train de faire le contraire, absolument le contraire de qu'est-ce que l'islam est venu enseigner. Ensuite le cheikh il dit comme quatrième point, comme quatrième article, الوثيقة الرابعة اسم الصحيفة السودان الحديث تاريخ الأحد 11 ذو القعدة سنة 1413 الموافق اليوم الثاني مايو 1994 ميلادي عمود حديث الأحد الكاتب الأب القمص الفيليوثايوس. Ça c'est son nom, c'est un nom chrétien bizarre. Et il dit مقرر مؤتمر الأديان عنوان المقال التعايش الديني في السودان. التعايش الديني في السودان يقول اسمحوا لي أن أقدم لكم ملاحظات على طريق التعايش الديني في السودان. Donc le cheikh il dit que ici c'est dans la quatrième article, c'est à la page en fait c'est dans le journal As-Soudan al-Hadith à la Tarikh al-Ahad, c'était un dimanche le 11 du mois de Dhul-Qi'da de 1413, qui correspond au 2 mai 1993. Il y a une colonne qui est spécifique, réservée à la parole du dimanche. Et l'auteur qui écrit dans cette colonne, c'est un prêtre chrétien, et il s'appelle Al-Qums ou Qumus Al-Filiothaïus. Ça, son nom. Et en bas de page, il y a une petite description de qui est ce personnage. C'est, il dit le cheikh, أحد دعاة النصرانية بالسودان أو في السودان في ظل الحكومة الترابية في السودان. أحد دعاة النصرانية في السودان وفي ظل الحكومة الترابية في السودان أدخل في المجلس الوطني الانتقال البرلمان وهو مقرر مؤتمر الأديان الذي أقيم في السودان وعطته الحكومة عمودا أسبوعيا في صحيفة السودان الحديث باسم حديث الأحد وهكذا يتجلى وينكشف ما يفعله الإخوان المفسدون بعد أن يستولوا على الحكم إلى وإلى الله المشتكى. Le Cheikh explique ici, il dit que cette personne est un prêtre qui appelle au christianisme au Soudan. C'est un prêcheur chrétien. Et sous le gouvernement de Tourabi, hein, au Soudan, il est rentré dans le Parlement national. Et ça, c'était bien entendu parmi les choses qui ont été décidées par le séminaire des religions ou la conférence des religions qui a été établie au Soudan. On lui a donné, le gouvernement lui a donné une colonne dans le journal Soudan al-Hadith à chaque dimanche pour qu'il écrive quelque chose sur le christianisme dans le journal national. Et c'est ainsi qu'on voit clairement et qu'on peut découvrir clairement qu'est-ce que font les frères musulmans une fois qu'ils ont réussi à s'accaparer du pouvoir dans un pays musulman. Et c'est à Allah qu'on se plaint. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont réussi quelque part dans un pays musulman à s'approprier le pouvoir, ce n'est pas pour soi-disant établir les règles de la charia ou pour arriver à appliquer les règles de l'islam, comme ils le prétendent. Mais plutôt, le but de cet activisme islamiste de leur part, c'est pour arriver à faire ce genre de choses-là, c'est-à-dire se réunir avec les chrétiens et appeler à l'union entre les musulmans et les chrétiens et laisser la permission ou donner la permission aux chrétiens de pouvoir christianiser les pays musulmans et de pouvoir convertir les musulmans au christianisme, ainsi de suite. Donc, on voit que c'est une da'wa et un manhaj qui se présentent comme étant un défenseur de l'islam et en fait, ils sont en train de détruire l'islam à partir de l'intérieur, au nom de l'islam. Donc, c'est très important vraiment de prendre garde à ce que ces gens-là font et à démasquer justement et à faire connaître aux musulmans la réalité de ce que ces gens-là sont en train d'enseigner. Donc, on va continuer, Inch'Allah, la traduction de ce passage. Le cheikh, il dit que le prêtre en question, il a écrit un article dans sa colonne le dimanche, et il parle des manifestations du comment je pourrais dire, ta'ayush. Ok. Donc, la coexistence et le vivre ensemble religieux au Soudan. Il dit, ce prêtre, اسمحوا لي أن أقدم لكم ملاحظات على طريق التعايش الديني في السودان. قدم عدة ملاحظات تبلغ إلى 17 ملاحظة. الفقرة رقم 8 البطاقة الشخصية في السودان تؤكد المواطنة السودانية وليس فيها ما يشير إلى دين المواطن. الفقرة رقم 10 تبنى الكنائس بجوار الجوامع كنموذج للتعايش والتآخي والوحدة الوطنية. قلت فأين قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. الفقرة رقم 16 يقول الأب قمص المذكور أقوم الآن بتدريس الدين المسيحي في بعض الجامعات وعلى الأخص كلية البنات الإسلامية. Pardon. كلية البنات الجامعية. Okay. On va lire maintenant. On va lire maintenant ce passage et on va l'expliquer en français. Il dit c'est la coexistence des religions au Soudan. Après il dit permettez-moi de vous présenter quelques observations sur la façon ou sur les façons dont on observe la coexistence religieuse au Soudan. Et il présente 17 observations sur les manifestations de la coexistence religieuse au Soudan. L'article numéro 8 qu'il mentionne, c'est que parmi les manifestations de ça, c'est que il n'y a pas de sur les cartes nationales ou sur les cartes d'identité nationales au Soudan, on ne mentionne pas du tout la religion du citoyen, on ne mentionne que sa citoyenneté. Donc pour lui, ça c'est un des signes de coexistence religieuse, et ainsi de suite. Le deuxième point qui est mentionné, c'est l'article 10, qu'à côté de chaque mosquée, on construit une église. Et ça c'est le signe d'une coexistence et d'une fraternité et d'une union nationale. Ensuite, on mentionne, le cheikh il mentionne, il dit, et qu'est-ce qu'ils font du verset 22 dans Surat al-Mujadala, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous ne trouverez pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime, qui prenne pour ami ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Et qu'est-ce qu'ils font du verset 51 dans Surat al-Ma'ida, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont les alliés les uns des autres. Donc, qu'est-ce qu'ils font de ces versets-là? Et il mentionne ensuite, comme ensuite l'article 16 dans cet article du prêtre qui dit que le pasteur Qumus al-Madhkour, je ne sais pas comment prononcer son nom, Qumus ou Qumus ou... C'est un nom un peu bizarre, j'ai pas l'habitude de ce nom-là. Et il dit, أَقُومُ الْأَنْ بِتَدْرِيسِ الدِّينَ الْمِسِيِّ. Il dit, en ce moment, j'enseigne la religion chrétienne dans certaines universités au Soudan. Et en particulier dans la faculté universitaire pour filles. Donc, il enseigne la religion chrétienne dans les facultés, dans les universités musulmanes, dans les pays musulmans, au Soudan en particulier. Donc ça, c'est quelque chose qui est grave, hein. Ensuite, le cheikh il mentionne, il dit قلت على الإسلام على الإسلام في السودان السلام صوفية وتنصير ووحدة أديان وهذا لم يوجد إلا في عهد استيلاء الإخوان المسلمين ممثلا في الترابي وقد سمعت شخصا من الدعاة المشهورين في السعودية من الحزبيين يقول من أحب أن ينظر إلى الإسلام مطبقا كما أنزل فليذهب إلى السودان. Donc le cheikh ici il dit, pour commenter sur ce passage là, il dit que l'islam au Soudan, on doit lui dire salam. Pourquoi? Parce que c'est quoi? Alors islam, c'est as-soufiya, c'est le soufisme. C'est at-tansir, c'est-à-dire la christianisation, hein? Et c'est quoi? C'est wahdatul adyan, l'unification des religions. Donc c'est ça leur islam là-bas. Le cheikh il dit, on n'a jamais entendu des choses pareilles au Soudan ou ailleurs, excepté lorsque les Ikhwan al-Muslimin ont pris le pouvoir. Avant ça, on n'a jamais entendu parler de ce genre de choses-là. Le cheikh il dit que j'ai même entendu une personne qui fait partie des prêcheurs très connus, très célèbres en Arabie Saoudite, parmi les Hizbiyin. Et quand on parle des Hizbiyin, on veut dire les gens qui font partie eux-mêmes d'un groupe ou sont sympathisants avec les musulmans qui font partie des groupes de Bida. Hein? Donc c'est pas nécessaire qu'il fasse lui-même partie du groupe pour être un Hizbi. Hein, s'il est sympathisant avec les Ikhwan et avec les autres groupes de Bid'a comme les Tablir ou les autres groupes, alors il fait partie de ce qu'on appelle les Hizbiyin et il accepte la notion de Ahzab, la notion de parti ou de groupe parmi les musulmans, et donc ça c'est quelque chose qui est contradictoire à l'islam. Et un d'entre eux, donc, en Arabie Saoudite, hein, parce qu'en Arabie Saoudite, il y a des gens qui s'imaginent que tout le monde sont salafis, tout le monde sont sur la même compréhension de l'islam, alors que c'est faux. Il y a beaucoup de gens parmi les gens là-bas qui font partie de la mouvance des Ikhwan, ou qui appellent à la tendance des Ikhwan, et qui font partie des Sururiyin, hein, et il y a des Shias, et il y a d'autres groupes de Dalal également là-bas. Il y a des Soufis aussi, en particulier à Médine. Il y a des quartiers où ils se réunissent. Donc, c'est pour dire que parmi ces groupes de Hizbiyin, il y en a, par exemple, qui disent, il y en a un qui a dit, comme Salman al-Ouda en particulier, le cheikh, il mentionne la parole, mais il ne dit pas le nom de la personne. Mais moi, j'ai lu dans d'autres livres la mention de cet exemple-là, et que la personne qui a dit cette parole-là, c'était Salman al-Ouda. Et parmi les choses qu'il a dit, c'est que celui qui veut voir l'islam appliqué tel qu'il a été révélé, qu'il aille au Soudan. Ça, c'est les paroles de Salman al-Ouda. Nasallallahu al-Afiyah. Et également, il y a les paroles de Tariq Ramadan aussi, à ce sujet-là, qui sont vraiment incroyables. C'est qu'on a remarqué, on a vu que, par exemple, Tariq Ramadan a fait la défense, a pris la défense de Hassan al-Turabi. Il a fait la défense du Soudan. D'une manière, il a défendu le Soudan d'une manière que j'ai jamais entendu quelqu'un défendre un pays de cette façon-là. Et il a raison qui se cache derrière ça, de cette défense de ce pays-là, c'est bien entendu que Hassan al-Turabi fait partie de la mouvance des Ikhwan. La même chose que Tariq Ramadan. Hein? Et c'est bien connu que les Ikhwan, ils ont même le droit parfois de se désavouer de leur groupe en apparence pour des buts ou des objectifs politiques. Donc, en apparence, ils vont dire non, on n'est pas avec les Ikhwan, on ne fait pas partie des Ikhwan, mais on observe dans leurs paroles et dans leurs idées et dans leurs discours qu'ils propagent les mêmes idéologies, les mêmes principes, les mêmes fondements que les Ikhwan. Donc, c'est une alliance ou une appartenance indirecte à ce groupe-là. Et donc, on l'a vu défendre ce groupe-là, alors qu'on a vu exactement à quoi appelait Hassan al-Turabi, hein, donc on le voit prendre la défense de ce pays-là, alors qu'en même temps il est en train d'attaquer d'autres pays musulmans qui appliquent la charia, parce qu'il attaque ce pays, en particulier l'Arabie Saoudite, il attaque l'Arabie Saoudite en particulier parce que l'Arabie Saoudite applique la charia comme il faut. Et pour lui, la façon dont l'islam est appliqué en Arabie Saoudite, c'est pas l'islam. Hein. Et la manière dont il glorifie également l'Iran, hein, et il fait les éloges et les louanges de l'Iran également, on voit que pourquoi, la raison de ça, c'est parce que le manhaj des Iraniens là-bas qui sont au pouvoir, c'est un manhaj qui est basé sur la tendance des Ikhwan aussi. Donc, on voit que depuis qu'ils sont en accord avec le manhaj, ils les défendent. Et si on n'est pas en accord avec le manhaj des Ikhwan, Yani, on te critique, tu n'es même pas calculé parmi les pays musulmans. Donc ça, c'est la tendance des Ikhwan à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh, il mentionne le huitième point, un autre article, parce qu'il saute du quatrième au huitième, parce qu'il les cite pas tous, probablement parce qu'il se limite aux articles qui sont mentionnés et qui parlent de ce sujet-là en particulier, c'est-à-dire la question de l'unification des religions entre elles et de ce soi-disant dialogue entre les croyances et les religions. Le cheikh ici, il dit quoi? Il dit al-wathiqa as-sabi'a, c'est la septième, pardon. Ism as-sahifa al-inqath al-watani. At-tarikh li-ahad 17 novembre سنة 1991. ملتقى الأديان رئيس الوفد الياباني ملتقى الأديان في الخرطوم للحوار والسلام من أجل السلام للحوار والصلاة من أجل السلام السودان معبر السلام في أفريقيا. Ça c'est le septième point qui est mentionné comme article. C'est encore une fois dans le salut national, l'Inqaz al-Watani. La date c'est le 17 novembre 1991. Il dit que le chef de la délégation japonaise à la réunion des religions qui a été fait à Khartoum pour le dialogue et pour la prière pour la paix, il s'est adressé au journal, d'après ce qu'on voit, et il a dit quoi? Que le Soudan est l'expression de la paix en Afrique. Donc ça c'est sa parole. Le huitième exemple, c'est un autre article, Al-Wathiqa Al-Thamina, الصحيفة الإنقاذ الوطني التاريخ 25 ديسمبر سنة 1991 العناوين الدكتور حسن مكي التعايش الإسلامي المسيحي في أحسن أوضاعه لا يأبى المزيد ولا بد من كنيسة وطنية تروج لثقافة السلام وإشاعة المودة. قلت وهذه دعوة للتنصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh ici il dit que comme huitième article c'est tiré du journal Al-Inqaz al-Watani, c'est daté du 25 décembre 1991, hein, la date où je me suis converti à l'islam. C'est-à-dire c'était pas le 25 décembre mais c'était en 1991. Donc on voit que à ce moment-là, c'est là que Hassan al-Turabi faisait des problèmes au Soudan. Et même qu'une fois, je me souviens que Hassan al-Turabi, il est venu même à Montréal faire une visite et qu'il s'est fait battre à l'aéroport par un Soudanais qui était un champion de kickboxing. Hein. Et il est resté à l'hôpital pendant un bon bout de temps. Et comme par hasard, quelle mosquée l'avait invité? C'est la mosquée de MCQ. Et c'est bien connu que MCQ est une mosquée qui suit le manhaj de ces gens-là, le manhaj des Ikhwan à aéroport. Oui, je fais souvent l'erreur. Donc le cheikh il mentionne cet exemple-là à propos de Hassan al-Turabi ici, mais c'est pas Hassan al-Turabi dont il est question dans cet article-là, c'est le docteur Hassan Makki. Et Hassan Makki, c'est qui? C'est son nom, c'est Mohamed Ahmed Hassan Makki. Et il est... oui, c'est ça. Hassan Makki, Mohamed Ahmed, il dit « Min abraz qadat al-ikhwan fi al-Soudan wa min al-muqarrabina jiddan li munazzirihim wa qaidihim al-Turabi » ويعتبر من الذين هضموا منهج وفكر الترابي ذلك المنهج الضال المضل والفاسد المفسد الذي يدعو إلى الانسلاخ من الدين الحنيف عياذا بالله. ولهذا المدعو حسن مكي مؤلف ولهذا المدعو حسن مكي مؤلفات من أشهرها كتاب الإخوان في السودان بين عام 1944 و 1969. Oui, donc c'est une des plus grosses têtes, Hassan Makki, une des plus grosses têtes des Ikhwan au Soudan, un des proches du théoricien et du chef politique Hassan al-Turabi, et il est considéré parmi ceux qui ont absorbé les idées et la pensée et la voix de Hassan al-Turabi. Et yani, c'est un manhaj, une voix qui est une voix d'égarement, une voix qui égare, une voix corrompue et une voix qui corrompt et qui appelle les musulmans à s'enlever de leur religion. Hein, et parmi les livres que ce dénommé Hassan Makki a écrit, il y a le livre qui s'appelle Al-Ikhwan al-Muslimoun au Soudan, les frères musulmans au Soudan, entre 1944 et 1969. Donc, ça c'est qui est cette personne. Et on remarque parfois même que Tariq Ramadan a été quand même influencé par Hassan al-Turabi, d'après moi, parce qu'on voit que souvent, parmi les choses que Hassan, que Tariq Ramadan mentionne, on voit qu'il y a plusieurs des idées de Hassan al-Turabi dans ses paroles. Surtout quand il parle de réformer la religion, puis qu'il faut qu'il y ait une relecture de la religion, ainsi de suite, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est semblable. Ensuite, il dit que dans cet article-là, Hassan Makki, il appelle à la coexistence islamo-musulmane, islamo-chrétienne, pardon, et il dit que cette coexistence, elle est dans ses meilleurs états, et on peut pas demander mieux. Et ensuite, il dit que il faut qu'il y ait une église nationale au Soudan qui fait la propagation de la culture de la paix et la diffusion de l'amour. Donc ça, c'est d'autres idées de ces gens-là de vouloir faire une église nationale pour le Soudan. Donc, a'udhu billah. Ensuite, le cheikh, il dit, al-wathiqatu at-tasi'a, ça c'est, le cheikh, il dit que ça, c'est un appel à la christianisation du Soudan. Et il dit, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ensuite, il dit, comme neuvième exemple ou comme neuvième point, un autre article de journal qui est tiré de Majallat al-Multaqa, Al-Adad, le numéro 4, Al-Adad al-Rabi' fi Nadwat al-Multaqa, رؤية تاريخية للسودان قال الدكتور حسن مكي ندعو لقيام الحزب الإبراهيمي ويقصدون بالحزب الإبراهيمي جمع النصارى واليهود والمسلمين الذين أشركوا والبوذيون والذين أشركوا والبوذيين في حزب واحد زاعمين أن هذه الأديان كلها تنسب إلى إبراهيم عليه السلام نقول قال الله جل عز وجل وهو أصدق قائل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Donc le cheikh ici, il dit que Hassan al-Makki, il a encore parlé dans une autre citation dans un journal, et il dit dans le magazine Al-Multaqa, le numéro 4, c'est un article qui s'intitule Une vision historique du Soudan, écrit par le docteur Hassan Makki, et il dit, nous appelons à établir un parti ibrahimique. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire d'établir un parti ibrahimique qui réunit, qui se base sur Abraham et qui réunit les chrétiens, les juifs, les musulmans, ceux qui ont fait le shirk parmi les autres religions également, comme les bouddhistes et les autres mushrikin. Et ils veulent réunir tout le monde dans un parti unique, et ils prétendent que toutes ces religions-là ont un lien avec Abraham ou Ibrahim. Et on voit même Tariq Ramadan qui appelle à ce genre d'idée-là également. Et ça, on le trouve dans certaines de ses citations, justement, au sujet des partis ibrahimiques. Oui, c'est ça. Il le dit même dans une de ses conférences. Il dit comment. Oui. Il dit, nous voulons en Europe être des citoyens, porteurs et témoins de la tradition d'Abraham, celle qui nous unit tous, chrétiens et juifs. C'est ça notre lien. Et à un moment donné, il faut que nous sachions nous faire comprendre. Nous n'avons pas la tradition du prophète alayhi salam qui nous éloignerait de la tradition chrétienne ou de la tradition juive, au sens où nous nous distinguons absolument. Oui, nous avons des différences, mais ce que nous suivons pour nous faire comprendre, ce que nous suivons pour nous faire comprendre et ce que nous cherchons, il dit, et la vraie question qui nous est posée au cœur de l'Europe est comment être au cœur de nos sociétés le représentant, le témoin de la tradition abrahamique. Donc ça c'est cette da'wa, et la même chose, on retrouve la même chose aussi chez Roger Garoudi aussi dans son islam qu'il s'était inventé lui-même. Donc il prétendait appeler à une religion qui réunissait tout le monde, soi-disant la voix d'Abraham. Donc ça c'est une idée que ces gens-là ont, et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dénoncé ça, il a renié ça même dans le Coran, dans le verset 67, dans Surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un musulman, pur musulman, monothéiste, hanif, qui n'associe rien avec Allah, et il ne fait pas partie des mushrikin, il ne fait pas partie des gens qui associent avec Allah. Donc ça c'est pour nier que, c'est pour montrer que les seuls qui ont un vrai lien avec Abraham, ce sont les musulmans et non pas les chrétiens, les juifs et les gens qui suivent ces autres fausses religions-là. Parce que même si les prophètes qui ont amené ces religions-là à la base sont des prophètes d'Allah et leur message original était un message de vérité, et c'était l'islam. C'était pas le judaïsme, c'était pas le christianisme, c'était le message de l'islam. Mais par la suite, les messages de ces messagers-là ont été déformés et changés par ceux qui les ont suivis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les religions que ces gens-là suivent, que ce soit le judaïsme ou le christianisme, eh bien, ces religions-là n'ont plus rien à voir avec l'enseignement et le message qui avait été amené par les prophètes de ces religions-là, les prophètes de ces peuples qui suivent ces religions-là à la base. Donc ça c'est un point important, parce que souvent il y en a qui jouent avec ça, parmi certains des hezbiyin, ils jouent avec ils mélangent entre le prophète et la religion telle qu'elle existe aujourd'hui, et bien entendu il n'y a pas de lien ou il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Donc ensuite le cheikh il dit dans le 11e point, الوثيقة الحادية عشر اسم الصحيفة الحوار العدد الثاني التاريخ 25 صفر سنة 1414 الموافق اليوم 14 أغسطس من سنة 1993 ميلادي العنوان البارز ديسكو إسلامي الكاتب حسين محمد أحمد قال في المقال في مقال طويل وفيه وعندما توليت أمر مناشط الشباب في الحركة الإسلامية في الثمانينات حاولت أن أزج بالتنظير دنيا التطبيق. Veut dire ici, c'est comme le texte n'est pas clair, mais Allahu a'lam. Il dit فَشَرَعْنَا فِي تَكْوِينِ الْمَسْرَحِ وَالْمُوسِيقَ وَالْفُنُونِ وَالصَّحَافَ وَغَيْرِهَا وَأَذْكُرُ أَنَّهُ سَأَلَنِي صَدِيقٌ مِنْ رُفَقَاءِ الدِّينِ أي مِنْ حِزْبِهِ سَاخِرًا أَظُنُّكُمْ سَتَكُونُونَ فِرْقَةً سَتُكَوِّنُونَ فِرْقَةً لِلرَّقْصِ بَعْدَ ذَلِكَ ورغم أني كنت أعلم أنه يستخف مني ومن برامجنا بسؤاله، ولكن ردي كان جادا وأكدت له أن الرقص قيمة أن الرقص قيمة جمالية وإنسانية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يروح عن نفسه بمتابعة الرقص وخلفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنظر حتى ملت قدماها وكان خاتم الرسل قوله وكان خاتم الرسل قوله دونكم يا بني أرفدة. Donc ici dans le 11e point, on retrouve dans le magazine Al-Hiwar ou le journal Al-Hiwar le numéro 2 qui est daté du 25 du mois de Safar 1414 qui correspond au 14 août 1993. On voit le titre suivant, une discothèque islamique. Et c'était quoi cet article? C'est en fait écrit par Hussein Mohamed Ahmed. Et comme vous le savez, yani, les Ikhwan, ils ont essayé de rendre tout ce qui est haram islamique. Hein? Yani, les banques islamiques, la démocratie islamique, la laïcité islamique, la mixité islamique, yani, quoi d'autre encore? Les maillots de bain islamiques. Yani, tout ce qui est haram, qu'est-ce qu'ils font? Ils le gardent. Et il le transmet, il le transforme en disant islamique devant, et il, ou bien après, et puis il pense que le fait de dire que c'est islamique, ça le rend halal. Donc, ça c'est une des ruses de ces gens-là. Et donc, parmi les choses qu'ils font, on voit dans cet article-là qui est écrit par Hussein Mohamed Ahmed, qui était un des Ikhwan là-bas dans le groupe de Hassan al-Turabi. Il disait, lorsque j'avais la responsabilité des activités pour les jeunes dans le mouvement islamique dans les années 80, j'ai essayé de faire d'appliquer différentes théories ou des choses comme ça. Puis après il dit on a eu comme projet, on a fait un genre de des spectacles, de la musique, des arts, également as-sahafa, c'est-à-dire du journalisme et autres. Et il dit, je me souviens qu'un de mes amis parmi les compagnons de religion, et entre parenthèses ici on dit c'est-à-dire un de son parti, hein, il lui a dit en se moquant de lui, je pense même que si ça continue comme ça, vous allez faire même un groupe de danse après ça. Donc lui, il a dit, je savais que cet ami-là voulait se moquer de moi en disant ça et se moquer de mon programme et en me posant cette question-là, mais ma réponse fut très sérieuse et j'ai confirmé que yani, la danse était une valeur humaine qui était très belle et que yani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était tenu lui-même en train de regarder danser les Éthiopiens dans la mosquée, et Aïcha radiallahu anha, qui est la mère des croyants, était derrière lui en train de regarder ça aussi. Et Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a donné une parole d'encouragement. Et donc il se base sur cette narration là pour essayer de dire que il y avait de la danse au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait accepté. Et bien entendu, c'est pas de la danse, comme on va le voir dans le commentaire du cheikh Ahmed al-Najmi. Mais ces gens-là sont prêts à tout pour justifier le haram qu'ils veulent faire. Donc le cheikh il dit ici, قلتو إن قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم وخلفه عائشة رضي الله عنها وقال لهم هذا القول فهذا في الصحيحين إلا أن لعبهم لم يكن رقصا وإنما كان تدربا على حمل السلاح وآلة الجهاد. Donc ici, pour commencer, le cheikh il dit, s'il pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là en train de regarder les Éthiopiens qui étaient en train de s'amuser avec leurs lances et leurs épées, et que Aïcha radiallahu anha était là derrière lui en train de les observer aussi, alors ça c'est une histoire qui est vraie et qui est mentionnée dans les deux sahih, dans Al-Bukhari et Muslim. En fait, c'est mentionné même dans Kitab al-Jumu'ah, dans Al-Bukhari, le livre du Jumu'ah, dans le chapitre de Al-Harb, Al-Hirab, le jour de Al-Eid, et également c'est rapporté dans le livre du Jihad. Et également dans Sahih Muslim, c'est rapporté dans le livre de la prière de l'Eid, des deux Eid, et également la permission, Al-Rukhsa, Fil-La'ib, Al-Ladhi La Ma'siyata Fihi. C'est mentionné dans le livre de Sahih Muslim, la prière des deux Eid, la permission de faire des jeux tant qu'il n'y a pas de péché dedans le jour de l'Eid. Donc ça c'est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, et le cheikh il fait un doua ici, il dit « Oh Allah, fais-nous voir ta religion et mets-nous parmi les gens qui sont guidés et qui guident, et non parmi les égareurs, non et ni les égarés. » Donc, yani, c'est pour dire que c'est pour s'entraîner avec les armes qu'il faisait ces jeux-là, et ce n'était pas des danses du tout. Hein? Ensuite, le cheikh il dit que c'était donc pour se pratiquer, pour s'entraîner au djihad et à utiliser les armes, et non pas c'était pas du tout une danse. Ensuite le cheikh il dit, et si ils veulent dire par là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dansait et que Aïcha était derrière lui, alors ça c'est un mensonge, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dansé de cette façon du tout, et ni Aïcha radiallahu anha, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque ment à mon sujet volontairement alors qu'il prépare sa chaise en enfer. Le cheikh il dit, amma anna al-raqs qayyimatun jamaliya fa hadha batil wa al-raqs la ya'maluhu illa du'afa al-iman wa sufaha al-ahlam. فمتى كان قيمة جمالية وإنسانية. Donc le cheikh il dit ici que la danse c'est quand il dit que la danse est une chose qui fait partie des valeurs de beauté, et comme les beaux-arts comme ils appellent des fois, ça c'est une fausse parole à ce sujet-là, ça c'est sûr que c'est faux, et il y a personne qui danse, accepter que c'est quelqu'un qui est faible dans sa foi ou faible dans sa raison. Et le cheikh il dit donc, quand est-ce, depuis quand la danse est devenue une valeur humaine ou bien une valeur de beauté ou des choses de ce genre. Le cheikh il dit, pour terminer, il dit ensuite, wa akhiran hadhihi shawahid mukhtasara tadullu ala تدل أن مؤتمر وحدة الأديان أو حوار الأديان أو سميه ما شئت أن تسميه إن عقد في السودان مرتين على الأقل، مرة في عام 1991 ومرة في عام 1913، وكان من نتائجه وآثاره السيئة على الدين الإسلامي وأهله الأتية. Donc le cheikh il dit, comme pour terminer, on va faire un petit résumé des points négatifs qui ont été les conséquences de ces conventions ou de ces conférences islamiques, yani de dialogue ou de réunion des religions ou d'unification des religions, ou appelez-le comme vous le voulez. Il y en a qui l'appellent aussi le rapprochement des religions, ainsi de suite. Donc tout ça, ça s'est établi au moins deux fois au Soudan, une fois en 91 et une fois en 93, Et parmi les résultats négatifs de ça, il y a les résultats suivants qu'on a pu observer sur la religion musulmane et sur les musulmans. Premièrement, أولا أن ألغيت الفوارق بين المسلمين والمسيحيين فيعطى أن ألغت الفوارق بين المسلمين والمسيحيين فيعطى المسيحي بطاقة مساوية لبطاقة المسلم وليس فيها ما يدل على الدين ومعنى ذلك التساوي في الحقوق بين المسلمين والنصارى كما صرح به الإخوانيون في مصر أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Le Cheikh dit premièrement, on a éliminé les différences entre les musulmans et les chrétiens. Donc on a donné aux chrétiens une carte d'identité nationale égale à celle des musulmans et il n'y a aucune mention dessus de la religion. Et ça signifie que on met à égalité dans les droits les musulmans et les chrétiens comme ça a été mentionné dans les paroles des Ikhwan en Égypte dans les cours passés. Et le Cheikh il mentionne le verset 53 dans Surat Al-Dhariyat dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Atawasaw bih balhum qawmun ta'hun. Est-ce qu'ils se sont tous mis d'accord là-dessus? Hein? Ce sont certes des peuples transgresseurs, des gens transgresseurs. Et ce verset-là c'est révélé au sujet des mushrikines parce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne leur réalité et leur attitude envers les prophètes à différentes époques, dans différents peuples, envers les prophètes. Et donc, c'est comme pour dire en réalité, regardez comment ces gens-là vivaient à différentes époques hein, et à différents endroits. Et malgré tout, ils se sont tous mis d'accord. C'est comme s'ils étaient tous d'accord sur leur rejet de la vérité avec les mêmes faux arguments. Donc on dirait qu'ils se sont consultés entre eux alors qu'en réalité bien entendu ils ne se sont pas consultés, mais étant donné qu'ils suivent la même voie, la même mécréance hein, et bien entendu il y a des même s'ils ne sont pas tous d'accord entre eux surtout, mais leur voie les réunit. Et donc sur ces points là on voit qu'ils sont ils ont des points en commun, ils sont d'accord, que ce soit les Ikhwan de l'Égypte ou les Ikhwan du Soudan ou les Ikhwan ici au Canada, comme par exemple il y a Mohamed Shoraibi qui fait partie des Ikhwan ici ou qui suit cette tendance, et Lamine Foura aussi hein, et lui-même il a dit les mêmes paroles que les paroles de l'autre là, de Hassan Tourabi, lorsqu'il disait par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut se tromper dans les affaires de la dunya ou des choses comme ça. Donc ça c'est des choses qui sont graves. Hein. Ensuite, un autre point qui est mentionné c'est le point numéro 2. ومن آثاره السيئة اعتقاد أن الدين المسيحي صحيح كما أن الدين الإسلامي صحيح وأنه يمكن أن يصار منهما دين وسط وهذا كفر من فعله أو اعتقده جائزا فهو كافر خارج من الإسلام مرتد عنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا. Le Cheikh il dit comme point numéro 2, parmi les effets négatifs de ces conférences, il y a la croyance que la religion chrétienne est bonne comme la religion musulmane est bonne et qu'on peut arriver à une entente entre les deux religions. Et ça, cette idée-là, bien entendu, c'est kufr. Celui qui le fait ou qui le croit, qui croit que c'est permis, il est kafir, il a quitté l'islam et il est un apostat. On doit lui ordonner de se repentir. S'il refuse de se repentir, il sera, selon les règles de la charia, exécuté. Hein? Et bien entendu, c'est selon les règles de la charia dans un pays musulman, avec un juge, avec un dirigeant musulman et non pas comme certains égarés parmi les Khawarij qui s'improvisent comme étant des responsables des musulmans et puis qui décident d'appliquer les peines par eux-mêmes dans la rue comme ça avec leurs propres moyens. Et ça bien entendu c'est la cause de beaucoup de désordre dans le monde musulman et dans le monde non musulman également. Et donc ça c'est rejeté. Ensuite le point numéro 3, ومن آثار هذه الدعوة السيئة أنهم مكنوا للنصارى أن يدعوا إلى التنصير في صفوف المسلمين. Troisième point, ils ont donné la possibilité aux chrétiens de pouvoir prêcher le christianisme et de christianiser les musulmans dans les pays musulmans. Et donc ça c'est une des impacts négatifs de ce genre de convention là. Ensuite comme point numéro 4, rabi'an, à propos du numéro 3 aussi, il y a beaucoup de gens comme ça, comme Hassan al-Turabi lui-même, il disait que il considérait que c'est interdit pour quelqu'un de pour un musulman de dire que les juifs et les chrétiens sont des koufars, et il y a beaucoup de ikhwan partout qui refusent maintenant de dire que les chrétiens et les juifs sont des koufars, alors que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam les ont déclarés koufars dans le Coran et dans la Sunna. Même si ils les appellent gens du livre, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des koufars, et ça c'est très important de le comprendre. Ensuite le point numéro 4, ومن آثارها السيئة أن كل مسجد يبنى تبنى جنبه كنيسة، وهذا معناه دعوة للنصرانية والدعوة إليها كفر بالدين الإسلامي. Quatrième point, c'est que parmi les effets négatifs et mauvais de cet appel au dialogue et au rapprochement, on a vu que à côté de chaque mosquée on construit une église à côté. Et donc ça c'est bien entendu un appel à la christianisation, hein, et un appel aussi à la mécréance en la croyance islamique et en la religion islamique. Parce que d'appeler au christianisme, c'est kufr. Ensuite le cheikh il dit, comme cinquième point, وَمِنْ أَثَارِ هَذِهِ الدَّعْوَ السَّيِّئَةِ التي تبناها الإخوان المسلمون في السودان أن دعا بعضهم إلى طبع القرآن الكريم مع التوراة والإنجيل في غلاف واحد، وهذا ما أجاب عليه وحذر منه هيئة كبار العلماء على رأسهم شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله وحفظ الجميع. Le cheikh il dit comme cinquième point, parmi les effets négatifs de cet appel ou de cette mauvaise invitation de leur part, c'est qu'ils ont établi, les Ikhwan au Soudan, que certains d'entre eux ont appelé à faire imprimer et à publier le Coran avec la Bible dans un seul couvercle. Et ça, bien entendu, le cheikh Abdelaziz ibn Baz et le comité des le comité permanent des grands savants de l'Arabie Saoudite a averti à ce sujet-là, et il a fait une fatwa au sujet de l'appel à l'unification des religions. Et cette fatwa-là, Inch'Allah, on va la lire demain, bi'ithnillah, dans le cours qui suit, bi'ithnillah. Donc, on va s'arrêter ici pour l'instant, hein, donc on va s'arrêter maintenant à ce point-là. À moins que certains voudraient continuer, mais d'accord, on va s'arrêter inshallah, parce que il y en a qui sont fatigués. OK inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.